Bonjour et bienvenue dans cet épisode du Costin Critique. Accrochez vos tripes, aujourd'hui on s'attaque à un thriller. Skyzone est une série audio de Destrocorn. Destrocorn étant le gagnant de tous les titres de meilleur acteur de la cérémonie des potards, mais aussi auteur de sagas comme Stegma et co-auteur de la très bonne série Les Resident Evil Pouilleux. Il est très présent dans la saga sphère, surtout dans le casting d'excellentes sagas comme 1287, que ce soit en figuration ou en petit acteur, on le voit très souvent. Vous pouvez retrouver la majorité de ses créations sur le site de l'Orchestre de l'Humour, en description bien entendu. Skyzone raconte l'histoire de Simon Favera, une personne à l'apparence normale mais qui, dû à sa sensibilité et ses multiples problèmes, scinde son esprit en plusieurs personnalités, plusieurs émotions. Malheureusement, un jour, un de ses personnages décide de tuer l'esprit de Simon, instaurant la panique parmi ses personnalités. C'est un résumé sommaire car je ne veux surtout pas vous divulgâcher l'histoire. Quand j'écoute, lis ou regarde une œuvre, j'ai beaucoup de mal à ressentir quelque chose. La souffrance du personnage, les ambiances, l'humour. Qu'est-ce que je fous dans la critique en fait ? Bref, dans Skyzone, c'est tout le contraire. Du début à la fin, tu es en suspension, comme si tu lévitais, que l'air manquait dans la pièce. Malgré ça, les personnalités étant toutes jouées par Destro, on se perd un petit peu dans les personnages, ce qui casse un petit peu le rythme. Et puis, le pitchage est un petit peu malvenu. Mais ce ne serait pas étonnant que cette redondance de la voix de Destrocorn soit quelque chose de voulu par celui-ci, étant donné que toutes les personnalités sont issues d'un même personnage. Même si cela marche moyen. Sauf pour le personnage de Doodle qui est très bien orchestré dans sa dimension du cauchemar. Mais cela n'empêche pas du tout le fait qu'on s'identifie très bien aux personnages. On ressent très bien leurs émotions et l'objectif de la saga n'est que très peu éclipsé par ses défauts techniques, s'il en est. La réalisation est, elle, aussi vachement bien pensée. Pour exemple, à un moment de torture, la saga ne nous fait qu'imaginer la scène. On a le début et la fin, ce qui en fait un ressort scénaristique très bien orchestré. Aussi pour les voix des personnages quand ceux-ci prennent le contrôle du corps de Simon, je ne vous en dis pas plus, l'intérêt est que vous l'écoutiez. Comme je l'ai dit tout à l'heure, le casting est bon, mais aurait mérité qu'il s'étoffe un peu plus. Pour les acteurs les plus présents, on a Destrocorn, bien évidemment, que je ne présente plus, Riku et Koupi, tous d'excellents acteurs dont je parlerai sûrement dans le futur. Le mixage est, comme je l'ai dit dans le dernier épisode, une partie importante de la réalisation. C'est pour ça que c'est en général le réalisateur qui s'occupe du mixage, comme ici dans Skyzone. On le sent bien, Destrocorn a une patte au mixage qui est très similaire de fiction en fiction. Et de ce que j'en ai à dire, c'est un mixage vachement particulier parce qu'il est piquant. C'est un peu dur à expliquer. Là où par exemple la majorité des créateurs essayent de faire un mixage doux et assez linéaire, le montage de Destro a plus d'imperfections, ce qui donne tout son charme à la série. Par contre, c'est un mix très attaché à ses thrillers. C'est pour ça qu'ils sont très différents des autres sagas. Dans Les Resident Evil Pouilleux, qui est une série comique, on retrouve plus ce montage linéaire car ça se prête bien plus à la saga. Faites-vous les épisodes des deux sagas différentes à la suite, vous verrez, c'est bluffant. En conclusion, Skyzone est une très bonne saga, écoutez-la, j'ai pas grand-chose d'autre à dire. Petit rappel pour ceux qui me suivent que rarement, sachez que vous pouvez retrouver tout plein d'infos sur ce que je sors sur mes réseaux. Twitter, c'est beaucoup de shitposts, mais Instagram, j'y poste un peu tout ce qui concerne mes projets. Le dernier épisode du Costin Critique vous avait beaucoup plu, je pense que c'est la vidéo la plus likée de ma chaîne. Merci à ceux qui ont pris le temps de dire ce qu'ils en pensaient dans les commentaires. N'hésitez surtout pas à me dire ce que vous en pensez et abonnez-vous. Sur ce, je vous souhaite une très bonne vie et vous dis à la prochaine.